بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خليل كومنتير بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 66 لسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، juste hier par rapport aux mots où je ne connaissais pas les harakat, dans la masala, c'est la fameuse voix que un jour elle a du son, un jour elle n'a pas de son, un jour elle a du son, elle n'a pas de son. Il y avait deux qawl, plusieurs aqwal. Il y en avait un, c'était talfiq, et l'autre c'était quoi? C'était sahab en fait. C'est pas sahab, c'est sahab, il fait le ha. Sahab. Elle dit que toute cette période c'est des haïd pour elle. Ça s'appelle Sahm. Ani fatha la sin, sin maftouha, fakat. Ou al-ha, sakina. As-sahbu. Taïeb. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وثلاثين بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم والحديث منكر كما قال أبو حاتم. وفي الحديث 33 بعد المئة وفي حديث أسماء بنت ميس عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتختسل، فلتختسل للظهر والعصر للعصر غسلا واحدة، وتختسل للمغرب والعشاء غسلا واحدة، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. والحديث معل المحفوظ يعني يعتبر ضعيفا. وفي الحديث 34 بعد المئة وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي يفن قال استنقأتي وصحيح واستيقينتي، الصحيح واستنقيتي كما ذكر البسام، فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيد النساء، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري والحديث ضعيف. طيب ننظر لصوت دوزيام حديث لسي تقوى حديث ناكو سنو عائشة كفاطمة بنت حبيش أبي إن مترو غاجي نونك البروفيت صلى الله عليه وسلم لدي سيرت كل سن دحيد دمنسرو il est noir et connu, distinct. Donc si c'est celui-là, alors arrête la salat. Et si c'est l'autre, alors fais l'odo et fais la salat. Apporté par Abu Dawud, ou Al-Nasa'i, ou authentifié par Ibn Hibban, ou Al-Hakim, et rendu munkar par Abu Hatim. Dans le 132e hadith de Asma ibn Umais, apporté par Abu Dawud, qu'il a dit qu'elle s'assoit dans une bassine, et si elle voit jaunâtre au-dessus de l'eau, alors qu'elle se lave pour le dhuhr et l'asr, un seul ghusl. Qu'elle se lève pour le maghrib et le isha d'un seul ghusl, un seul lavage. Et qu'elle se lève pour le fajr, un seul lavage. Et elle fait l'odo entre tout cela. Elle fait l'odo entre tout cela. Là, tout ça, ça parle de la mustahada. La mustahada. Après, dans le 104e hadith, et ce hadith-là aussi, il est faible. Il est défaillant. Dans le 134e hadith, selon Hamna bint Jahsh, qu'elle ait dit que j'avais une grosse métrorragie, beaucoup de sang qui coulait. Donc je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter. Et il a dit, cela n'est juste qu'une insufflation de shaitan. À la base, rogdatun, à la base, rogda, c'est un coup de pied. Et là, ça a été interprété comme étant un talbis de shaitan sur elle. Comme a dit Bassam dans son charh. Donc, fais comme les menstrues durant 6 jours ou 7 jours. Ensuite, lave-toi. Et si jamais tu te purifies, alors tu fais la salade durant 24 jours. Ou alors 23 jours. Et tu peux jeûner et faire la salade. Et que cela, t'es valide, t'es rendu valide. Et également, il y a un issue comme font les autres femmes dans les haïd, dans les menstrues. Et que si jamais tu en as la force de pouvoir retarder le vor et rapprocher le asr, ensuite tu fais un roussel lorsque tu te purifies, et après tu fais le vor et le asr ensemble. D'accord? C'est-à-dire tu retardes le vor, tu rapproches le asr, tu fais un roussel et tu fais des salats ensemble. Tu les tajma'a bainahuma. Ensuite, tu retardes le maghrib et tu avances le isha également, et tu fais un roussel et tu réunis entre les deux salates. D'accord? Alors fais-le. Et si jamais également tu fais un roussel pour le fajr, puis tu fais la salate. Il dit donc cela, c'est ce qui m'est préférable entre les deux choses. C'était quoi la première chose? C'est qu'elle s'arrête les jours de Sahih. D'accord? 6 jours ou 7 jours. Et que par la suite, elle fait comme les autres femmes. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme de déduction, enfin, c'est de déduire. Et l'autre, c'est elle lit entre les deux salates. Et elle fait un rousse entre toutes les deux salates. Et ça, c'est ce qu'il préférait. Dans le hadith, qui dit qu'il préfère. Et le hadith rapporté par les Khamsa et les Nasa'i, et que le hadith également, il est faible. Donc tous les hadiths là qu'on vient de dire là, ils sont faibles. D'accord? Il y a khilaf, tu parles peut-être des ulama qui vont les identifier, mais du hukm de Shir al-Muhizam, ils sont tous faibles. Donc il n'y a rien qui prouve qu'il faille faire un lavage pour la mustahada. Il n'y a pas de preuve authentique. Faib. Là il dit, mas'alatun. Kayfa tasna'u al-mustahada. Comment agit la femme atteinte de métrorragie, qui a des pertes de sang anormales, autre que ses menstrues? Donc il dit, cette femme-là est de deux sortes. Soit une novice, ou soit une qui a déjà son cycle connu. D'accord, un cycle connu. Donc, la première, c'est-à-dire la novice, c'est celle qui n'a jamais vu de sang auparavant. Elle ne connaît pas le sang encore. Elle ne distingue pas encore. Ou plutôt, elle n'a pas encore vu de sang. De métro orage, elle n'a pas encore vu de sang. Donc elle, c'est deux choses qu'elle a. C'est-à-dire cette catégorie-là, cette novice, cette débutante, qui n'a jamais vu de sang de stihada auparavant, elle est de deux sortes, cette femme-là. Soit elle a une distinction, elle va réussir à la distinguer, ou soit elle ne peut pas la distinguer. Donc la première, c'est celle qui arrive à distinguer. Son cas à elle, c'est que elle, par sa distinction, elle sait lorsque ses menstrues viennent et lorsqu'elles s'en vont, lorsqu'elles s'achèvent. D'accord? Car le son des hadiths, il y a des signes, comme on l'a cru auparavant. Donc elle œuvre en fonction de ce qu'elle voit. D'accord? C'est-à-dire, quand elle voit le son de Sahid, elle sait que ça, c'est le Haïd. C'est pas autre chose. Elle connaît pas encore le son de l'Istihada, mais quand elle voit le son de Haïd, elle sait que c'est le Haïd. Directement. Elle connaît. Elle est débutante, mais elle a repéré comment elle est se sent. Donc elle, si ses hadiths sont finis, elle fait son rousl, elle fait salat. Ça c'est le cours de Malik, de Shafi'i, de Ahmed et d'autres. Et leur dalil à eux, c'est le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh. Le premier hadith qu'on a lu, que le son des hadiths, il est noir, il se connaît. Distinct. Et le hadith est daif. Et également, ils ont pris le hadith de Aïcha qui va venir plus tard. Ou qu'on a pris plutôt à fois dans le bab le Nawaqid al-Wudu, je crois, ou Bayn Najasa, que Aïcha avait dit, que le prophète Sarsam l'a dit à Fatima bint Hubaysh, que si jamais tes haïd viennent, alors laisse la salat. Si jamais elles s'en vont, alors lave-toi, d'accord, et après fais salat. Donc il se base là-dessus. On va dire que c'est moi, c'est haïd, elle se base sur ses haïd. C'est tout. Voyez. Après, il parle de la deuxième. Toujours dans le cas de la novice. D'accord? Donc là, on a parlé de celle qui a une distinction. Maintenant, il parle de celle qui n'a pas de distinction. Donc il a commencé directement dans la parole qui est la plus juste pour lui, qui est que, en fait, dès qu'elle voit du sang, d'accord, elle voit du sang, et qu'elle n'arrive pas à distinguer si c'est le sang des haïds ou pas, qu'elle ne considère pas comme étant des haïds. D'accord? Donc elle ne laisse pas la salat, elle fait salat, elle jeûne, jusqu'à ce que le sang du haïd, avec ses signes clairs, lui apparaissent. Ça pourquoi? Pour rester sur la base. Qu'on ne laisse pas une chose obligatoire, comme la salat ou quoi, pour une chose, pour une probabilité. Faut que tu sois sur la yakin, la sûreté. Donc là-bas, c'est que tu fais salat. Là-bas, c'est que tu fais salat. Sauf si elle voit le sang des haïds. Clairement. Car il n'est pas obligatoire qu'une femme ait ses haïds, comme il dit. C'est la base, mais des fois, tu as des femmes qui n'ont pas de haïds. D'accord? D'ailleurs, en arabe, on les appelle dahiyaou. Yani zod, ha, sakin, ya, maftouh, alif, wa, hamza. Taïb, dahiyaou. Genre, c'est celle qui n'a pas de, haïd. Mais également, s'il n'y a pas de haïd, ben, elle n'aura pas d'allaitement. Son enfant. Et peut-être même qu'elle peut être stérile. Taïb, peut-être même qu'elle peut être stérile. Donc ça, c'est ce que Chir voit comme étant la vie plus sûre. Et c'est la vie de Malik. Du moins, une version apportée selon Malik, et d'Ibn Hazm, et de Daoud al-Zahiri. Après, les autres ulama qui ne sont pas de cette vie-là, qu'est-ce qu'ils voient, eux? Chez le Shafi'i, lui, il voit qu'elle laisse sa salat et le jeûne un jour et une nuit. Et ils ont une autre parole, qu'elle, elle calcule des haïds au nombre maximum qu'ils ont établi, c'est-à-dire 15 jours. C'est-à-dire, elle trouve 15 jours, et dans ces 15 jours, elle dit qu'elle est, elle est haïd. Là, on parle d'une femme qui a plein de sang. Il s'arrête pas le sang. Donc, elle sait pas si c'est istihada ou c'est le haïd. Elle arrive pas à distinguer. Donc, il dit dans ce truc-là, taïb, elle arrive à essayer d'estimer 15 jours, dans lesquels elle dit que c'est haïd. Ils mettent le maximum, pourquoi? Ils vont même mettre plus que pas assez, ils disent. De peur qu'elle fasse salade alors qu'elle c'est haïd. Donc on rajoute. Mais on dit pareil, elle va lancer la salade des jours où elle devra la faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc le col qu'ils disent là, il n'a pas vraiment de dalil. En soi, c'était que les hadiths faibles. Taïb. Après, il y en a d'autres qui disent quoi? Ils disent non, elle essaie d'estimer, se baser sur le cycle des femmes qui lui sont proches. D'accord? Elle se base comme les femmes qui sont autour d'elle, ses proches. Si jamais elle n'a pas de proches, alors elle se base ce qui est plus fréquent chez les femmes, c'est-à-dire 6 ou 7 jours. Et ça, c'est une version rapportée sur Ahmed. Euh... Et Abu Hanifa, lui, il voit qu'elle elle agit comme au maximum de jours que des hid pourraient trouver. Et pour lui, c'est 10 jours. Et Malik, il y a plusieurs calls dans le sujet. Le premier, celui qu'on a pris, c'est celui qui était réagir. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas fait du hid, elle continue. Elle fait salat et tout. Et il y a d'autres paroles où il dit. Il dit que. Attends, j'ai la ligne. Les autres paroles, qu'elle compte 15 jours. 15 jours de haïd. Et l'autre parole, qu'elle revient à ses proches. Donc en fait, Malik, il a les deux kalem comme les deux autres élèves qu'il y a eu précédemment. Il voit l'avis de l'un et l'avis de l'autre. Plus le troisième, qui est le rajih, qui est qu'elle continue. Cependant, Malik, il voit ce qu'on vient de dire là seulement sur un seul mois. Le premier mois. Seulement, en dehors de ce mois-ci, qu'est-ce qu'il voit après? Qu'elle continue tout, d'accord? Et qu'elle fait le rousse. Et qu'elle fait ça, sa salat. Un mouhim, pour si Amil Khilaf, il est encore ambigu ou quoi, le rajah de Sheikh Ibn Hizam, c'est qu'elle continue. Tant qu'elle ne voit pas un son de haïd, qu'elle n'est pas sur le son de haïd. Par contre, si elle arrive à le savoir, quelqu'un lui dit ou quoi, voilà, elle agit en conséquence. Donc ça, c'était la première catégorie de femmes. D'accord? Celle qui est débutante. Après la deuxième, la mu'tad, celle qui a un cycle connu. Donc elle, si elle a un cycle connu et régulier, avant l'istihada, elle sait quand est-ce qu'elle a ses menstrues, elle connaît, c'est régulier, c'est tout le temps pareil. Elle, pareillement, elle a deux situations. La première, comme l'autre, qu'elle a distinction. L'autre, qu'elle n'a pas de distinction. C'est le même, catégorie que l'autre, sauf que celle-là, c'est une caractéristique qui est connue. Mais il y a pareil. Après le sang, est-ce qu'elle distingue, est-ce qu'elle ne distingue pas? Donc il dit, en premier lieu, celle qui a distinction. Comment elle agit? Elle se base sur son cycle. Telle qu'elle connaît. D'accord? C'est-à-dire les jours où elle avait pu avoir ses haïd, elle s'arrête à ce moment-là. Elle dit que ces jours-ci, c'est les jours à la base j'ai mes haïd, donc ces jours-ci, je passe à la hâte, je passe siyam, d'accord? Toutes les règles du haïd s'appliquent sur elle. Ça, c'est la parole de l'ensemble des savants, jumhur, de la plupart des savants. Et leur preuve, c'est le hadith de Aïcha, par rapport à Fatima bint Abi Hubaysh, que le professeur Salam, il a dit, Da'i salata qadr al-ayyam alati kunti tahidin fiha. C'est-à-dire, dès la salat, c'est l'équivalent des jours dans lesquels tu veux tahid. Et un autre hadith également de Aïcha, porté par Muslim, par rapport à Habiba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Umkusi, kadr makanat, makanat tahbesuki haydatuki. C'est-à-dire, arrête-toi, d'accord, la période où tes haïd venaient. La même période. C'est un hadith qui est similaire au précédent. Donc ça, c'est la première. Donc elle se base sur son cycle. Maintenant, on parle de celle, qui a un cycle, c'est celle qui a un cycle, mais qui distingue maintenant. La première ne distingue pas. Et celle-là, elle distingue. Ma foum ouais. Même moi, je m'embrouille avec toi. Donc celle-là, elle a son cycle, d'accord, et elle distingue. Donc il dit, si jamais ces distinctions et son cycle coordonnent, ras, t'as ni un mahia, pas de problème. Elle a déjà conséquence. Par contre, si jamais sa distinction diffère de son cycle, il y a deux paroles. Première parole, ils disent, il y en a, ils disent qu'elle fait prédominer sa distinction sur son cycle. C'est le col de Malik et de Shafi'i et d'autres. Ils ont pris pour preuve le hadith de Fatima, Daim al-Haid aswadu yu'rafu. Que ce sont des haïd, les noirs, il est connu. Le hadith, il est da'if, comme on a dit. Donc ils disent que le tamis, c'est un signe distinct. Alors que le cycle, c'est une chose qui peut. Qui est lié au temps et qui peut changer. Ça peut changer. Alors que le signe du haïd à la base, il ne change pas. Il se peut que la femme n'arrive pas vraiment à voir, mais il ne change pas à la base. Et il dit justement qu'il se peut que la femme qui est istihada, métroragie, cela change son cycle à cause de cette maladie. D'accord? Donc elle se base sur sa distinction et non pas sur son cycle. Et l'autre call, qu'elle fait prédominer son cycle à sa distinction. Et c'est le madhab d'Abu Hanifa et de d'autres. Ce que Cheikh Al-Islam Taymiyyah l'a choisi. En se basant sur quel hadith, les hadiths qu'on a pris précédemment, basés sur le cycle. Dans les salats, Qad al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Laisse la salat, hein, dans l'équivalent des jours dans lesquels tu es tahid. Là, il s'est basé sur quoi? Sur le cycle. Donc là, il a pris comme preuve tous les hadiths du cycle, et non pas de distinction. Car le hadith de la distinction, on a dit quoi? Il est faible. Le hadith, il est faible. Donc dans tous ces hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé la femme qui était mustahada, à quoi il a envoyé? À son cycle. Ou le sien, ou celui de ses proches. Mais c'est des hadiths qui sont faibles. Il y en a des authentiques qui montrent qu'elle se base également sur son cycle par rapport à ça. Quand tu n'arrives pas à distinguer, reviens à ton habitude. Reviens à ton habitude. Et chez Ibn Hizam, lui, il voit que les deux, quoi, ils sont forts. Le khilaf et le kawi, il est fort. Et lui, il voit que le tamiz, la distinction, est plus précis chez la femme que son cycle, car son cycle peut changer. Donc lui, il voit le premier avis comme étant le plus juste, bien qu'il reconnaît que l'autre avis aussi, il y a des quoi, ils sont forts. C'est un khilaf, il est fort. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, comme on disait au début, si la femme arrive à distinguer, elle sort de beaucoup de problèmes, beaucoup de divergences. Si elle n'arrive pas à distinguer, c'est là que ça devient compliqué pour elle. C'est ça le problème. C'est distinguer. C'est distinguer. Donc, il y en a qui disent, tu ne distingues pas, base-toi sur ton habitude. D'accord? Base-toi sur ton habitude. Après, il dit, dernière mas'ala. Al-mustahada allati nasiyat alataha. Voilà, t'as mis elle à... Celle qui a un grand problème, c'est qu'en fait, elle a oublié son cycle et elle n'a pas de distinction. Elle n'a ni l'un ni l'autre. Donc, comment est-ce qu'elle agit? Certains ulama comme Abu Hanifa, ils voient qu'elle compte le minimum des jours de Haïd, ensuite elle fait son rousl et après elle fait salat. Malik, lui, voit que elle se bat sur le tamiz tout le temps, donc ça veut dire quoi? Elle fait le rousl pour chaque salat. Avant chaque salat, elle fait un rousl. Elle a pas la salat. Elle fait un rousl pour chaque salat. Shafi'i, il a trois calls. Premier, qu'elle déduit des jours du minimum trouvé chez les règles. Deuxième call, qu'elle déduit des jours qui sont les plus fréquents, la durée la plus fréquente qui est 6 ou 7 jours. Par contre, le minimum, il n'a pas dit c'est quoi, c'est combien le minimum. Lui, il n'a pas dit, le chef n'a pas précisé chez Shafi'i, c'est quoi le minimum? Chez lui, pour lui. Parce qu'ils ont un khilaf aussi. On a dit c'est temps. Nous dit c'est temps, et nous on a dit quoi au début? Il n'y a pas de dalil. Malik, c'est quoi le minimum chez Malik? On avait dit quoi? Dafa'a, une coulée. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes règles. Taïeb. Donc, deuxième call, elle fait shalat à chaque fois, et elle fait le rousl pour chaque salat. D'accord? Attends, j'ai trouvé une ligne là. Attends, reprends le calme de Shafi'i. Enfin, parce que j'ai sauté une ligne. On a dit Shafi'i, il a trois paroles. Première parole, qu'elle compte le minimum de jours trouvés chez les Haïd. Mais il n'a pas dit c'est combien. Il n'a pas dit c'est combien. On ne sait pas c'est combien, il n'a pas précisé. Deuxième parole, qu'elle se pose, qu'elle compte la base chez les femmes, ce qui est plus fréquent, c'est-à-dire 6 ou 7 jours. D'accord? Et le troisième call, celui qui a été rendu authentique par les Shafi'iyya, et c'est le même call que Malik, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle ne s'arrête pas, elle fait salat, et elle fait le rousl pour chaque salat. Voilà. Là, c'est wadih, parce que en fait, tout à l'heure, j'ai sauté j'ai confondu le deuxième call et j'ai rentré dans le troisième call en fait. Et Ahmed, lui, qu'est-ce qu'il voit? Les excès qu'il a oubliés, elle compte les jours les plus fréquents chez les femmes, c'est-à-dire 6 ou 7 jours de chaque mois. D'accord? Ensuite, elle fait le rousse, et après, elle fait salat. Et elle jeûne. Ainsi de suite. Et Shir Ibn Hizam, dit celui qui lui a parlé, c'est que le calife de Malik, qui est le troisième de Shafi'i, c'est le plus fort pour lui. Car la femme ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle a ses règles. Elle ne sait pas, il y a du sang. Elle ne connaît plus son cycle. Elle ne distingue pas le sang. Donc comment elle agit à ce moment-là? Comment elle agit à ce moment-là? Elle ne peut pas inventer des jours, par exemple, dire tiens, pendant 6 jours j'arrête. Et c'est même ces jours-là, ce n'est pas des jours de menstrues, c'est juste des histahala. Donc il dit c'est quoi le meilleur? C'est que il n'est pas permis de lâcher. D'arrêter la salat et le jeûne pour une chose, pour une probabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, elle fait quoi? Elle continue à faire salat. D'accord? Mais ils ont dit quoi? Malik et Shafi'i, c'est le rousse pour chaque salat. Là, c'est une machaka, c'est sûr. D'accord? Et d'autres ulama, souvent sur le hadith faible de Asma, qui a fait un rousse pour deux salats. Et qu'elle joue entre les deux salats. Mais le hadith, il est faible. D'accord? Le hadith, il est faible. Donc là, ce roussel, c'est également une, par prudence. Il n'a pas de dalil. C'est-à-dire là, tout ce qu'on vient de dire, là, comme as'ala, là, c'est l'ijtihadat, il n'y a pas de dalil. Voilà. Mais le faisait de elle-même. Ouais, ouais, c'est pas un dalil. Non. Un... Ça, c'est de elle-même qu'elle le faisait. Mais à la base, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. D'aller là-dessus. Soum Habiba. Soum Habiba. Elle faisait pour chaque. Le rousse pour chaque salat. Mais ça, c'était de elle. Par prudence, elle préférait ça, tu vois. Donc en fait, dans le sujet-là, il n'y a pas vraiment de hadith sahih, qati', wadih. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de khilaf et ijtihadat. Il y a un hadith sahih, wadih. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ijtihad. Par rapport aux hadiths. Quand même. Donc, ça paraît un peu confus, c'est sûr, mais. Donc, la meilleure chose, c'est que la femme essaie de trouver une distinction. Comme on l'a dit. La meilleure des choses. Non. Ma foumahada. Fais la ouna, walhamdulillah, rabbil alamin.